composée de magistrats professionnels, en lieu et place des jurys populaires. La justice échappe-t-elle au peuple ? C'est la question que pose le temps du débat. Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h en compagnie de Marie-Laure Garnier. Sur France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Révélation lyrique de l'année aux Victoires de la musique classique, Marie-Laure Garnier est la première femme noire à être ainsi distinguée depuis Barbara Hendricks en 1992. La jeune cantatrice guyanaise nous racontera son parcours, ses sources d'inspiration et sa méthode de travail. Affaires culturelles, aujourd'hui à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture, tout de suite, Nicolas Martin. Selon l'Institut national contre le cancer, près de 4 millions de Français sont touchés chaque année par l'une de ces pathologies, 4 millions de personnes. C'est autant de diagnostics à poser, de traitements à choisir, de patients à accompagner. Or, comme chacun sait, l'être humain n'est pas infaillible, pas même un médecin au moment de lire une radio, une IRM, un scanner ou une échographie. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle, non seulement dans l'aide au diagnostic par l'analyse précise de l'imagerie médicale via un apprentissage par renforcement, mais aussi au moment de la décision de traitement pour éviter les errances thérapeutiques. L'IA, futur outil indispensable dans la prise en charge du cancer. IA et cancer, le diagnostic infaillible, c'est le programme algorithmique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à la façon dont certains algorithmes peuvent apporter une aide précieuse, comme je vous le disais, non seulement dans le diagnostic, mais aussi dans la prise en charge de certains cancers, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Lasseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de radiologie à l'Université Paris-Saclay, co-directrice du laboratoire d'imagerie Biomaps à l'Institut Gustave Roussy. Et Alain Luciani, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de radiologie au CHU Henri Mondor à l'Université Paris-Est-Créteil. C'est une émission, je le précise, qui est en partenariat avec le magazine trimestriel Le Chute, magazine dont le numéro du mois d'avril-mai-juin est consacré précisément aux questions de santé et de numérique. Mais on commence par celle qui sera elle aussi, bien sûr, un jour futur remplacé par une intelligence artificielle productrice de contenu autonome, mais peut-être pas d'ailleurs. Bonjour Natacha Triou. Jamais. Jamais. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences. Et on continue, comme presque chaque jour, à suivre l'actualité du Covid-19 et de la recherche avec cette nouvelle aujourd'hui. L'Angleterre lance un nouvel essai clinique pour étudier les réinfections au SARS-CoV-2. Oui, les chercheurs de l'université d'Oxford vont recruter 64 personnes de 18 à 30 ans qui ont déjà été contaminées pour les exposer une seconde fois au virus. Alors ce type d'essai, qu'on appelle un modèle d'infection expérimentale chez l'humain, reste rare dans le cadre du Covid-19, hein, ce n'est que le second essai de ce type. Alors, dans un premier temps, 24 participants vont recevoir par le nez la souche originale du SARS-CoV-2, avec au départ une dose très faible qui sera, si nécessaire, augmentée. Les chercheurs espèrent ainsi voir la moitié des cobayes être réinfectés de façon asymptomatique ou avec un Covid léger. Puis, dans un second temps, cette dernière dose sera utilisée pour infecter 10 à 40 participants. Le but est d'observer les réactions du système immunitaire, s'il est possible d'attraper à nouveau le virus, et si oui, dans quelles conditions. Cet essai va nous permettre d'évaluer plus précisément les niveaux d'anticorps et de lymphocytes T qui sont nécessaires pour nous protéger d'une réinfection. Voilà, on vous met comme d'habitude toutes les études sur notre fil Twitter @laméthodefc. Vous pouvez retrouver toutes les informations autour du coronavirus sur le site de France Culture, pas uniquement sur les pages de la méthode scientifique, mais surtout le site franceculture.fr. Et on passe au bref. La Russie a annoncé la construction de sa propre station spatiale pour 2025. Oui, elle avait d'abord déclaré qu'elle était susceptible d'abandonner la Station Spatiale Internationale. L'ISS est vieillissante et les accords entre Roscosmos et ses partenaires internationaux expirent en 2024. Alors, l'agence spatiale russe affirme donc que des travaux pour la fabrication de sa propre station sont lancés, avec un lancement prévu pour 2025. Cette nouvelle station spatiale devrait se positionner sur une orbite plus haute que l'ISS. Elle pourrait servir d'escale pour des vols à destination de la Lune. Le mois dernier, la Russie avait déjà annoncé une alliance avec la Chine pour la création d'une station lunaire. Pour la première fois, le prototype écossais Gravitricity a stocké et produit de l'énergie. Oui, Gravitricity, c'est une nouvelle solution de stockage d'électricité par gravité. Alors, comme n'importe quelle station de transfert d'énergie par pompage, cela consiste à stocker de l'électricité en utilisant les forces de gravité. Le prototype présenté à Hindenburg est une tour de 15 mètres avec des câbles en acier qui soulèvent deux poids de 25 tonnes. Lorsque ces poids redescendent, l'électricité produite est injectée dans le réseau local. Cette technologie est conçue pour être logée dans d'anciens puits de mines avec des profondeurs de 750 mètres. Selon la société Gravitricity, serait une alternative rentable aux batteries lithium-ion. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Astronomy and Astrophysics, les astronomes ont découvert et directement imagé une exoplanète en orbite autour d'une étoile similaire au Soleil. Et la plupart des 4000 exoplanètes ont principalement été détectées avec des méthodes d'observation indirecte. L'observation directe est plus complexe et plus rare. Cette équipe internationale a réussi à imager directement une nouvelle exoplanète grâce au VLT de l'ESO et grâce à son instrument Sphère. Cette exoplanète orbite autour de l'étoile YSES2, une jeune étoile de 14 millions d'années, à 359 années-lumière de nous. C'est une géante gazeuse, sa masse est de 5 à 8 fois celle de Jupiter, et elle est très éloignée de son Soleil, d'une distance de 115 unités astronomiques. Cette large orbite est un casse-tête pour les chercheurs. On ne comprend pas comment elle a pu se former. Aucune des deux théories de la formation des géantes gazeuses ne peut expliquer son existence. Pour élucider ce mystère, de nouvelles observations sont prévues. Merci beaucoup, Natacha. Donc, pas d'intelligence artificielle, on vous garde et on vous retrouve demain en chair et en os pour le prochain journal des sciences. À demain. Voilà, donc non pas l'image de Natacha précisément, mais peut-être que votre médecin radiologue ou oncologue sera-t-il un jour entièrement remplacé par une intelligence artificielle, un algorithme entraîné sur des centaines de milliers de cas qui sera capable, eh bien, non seulement de placer un diagnostic infaillible à la lecture de vos examens, mais qui pourra également vous orienter vers le traitement adéquat de votre cancer en étant sûr de son efficacité sans redouter la moindre errance thérapeutique. C'est pour l'heure évidemment de la science-fiction et certainement pour longtemps. Encore, dans l'état actuel de nos connaissances, il est fort peu probable, en effet, que l'expertise humaine devienne totalement dispensable. L'aide de l'intelligence artificielle en imagerie médicale, c'est tout compte fait, un peu comme ce qui se passe pour les astronomes avec l'espace, c'est en tout cas ce que raconte notre archive du jour. Nous sommes en 1968. Nous espérons que les ordinateurs vont apporter une aide très importante pour obtenir un meilleur traitement. Vous savez que lorsque l'on prend une radiographie, on essaye de mettre en évidence certaines lésions, certaines images. Or, nous savons que par le traitement des informations optiques, on peut améliorer la qualité d'une image. Vous savez par exemple que la NASA aux États-Unis ne regarde pas les photographies de la Lune telles qu'elles ont été prises par l'appareil de photographie, mais manipule, traite ces images de façon à augmenter le contraste, à éliminer certaines images parasites. Et c'est comme ça que l'on aboutit à ces extraordinaires clichés de la surface lunaire qui n'étonnent plus personne. Eh bien, on peut appliquer des méthodes tout à fait analogues pour améliorer la qualité des images que l'on obtient en médecine. La qualité des radiographies, la qualité des images obtenues avec les appareils qui étudient la répartition d'un isotope dans l'organisme et que nous appelons une scintigraphie. Ceci n'est pas encore entré dans la pratique courante, car ça fait appel à des méthodes de traitement de l'information assez longues et assez délicates. Elles commencent à être utilisées. Nous en avons déjà ici, à l'Institut Gustave Roussy, un emploi assez exceptionnel, mais ça se fait déjà. Et sans être très optimiste, je pense que d'ici quelques années, nous les emploierons de façon tout à fait courante. Voilà, nous sommes en 1968, les quelques années ont passé. Est-ce que l'emploi est devenu tout à fait courant, comme on vient de l'entendre, Nathalie Lasso? Écoutez, c'est sûr que l'intelligence artificielle est en train de rentrer dans nos vies de façon assez importante avec le traitement de l'image, avec une accélération importante depuis 4 ans. Enfin, je pense que Alain le confirmera. Et que actuellement, durant les 20 années précédentes, on était surtout sur le développement technologique, les nouveaux scanners, les nouvelles IRM, les nouveaux échographes, le PET scan, le PET IRM. Et là, on est en train d'arriver sur du traitement d'image, de l'intelligence artificielle pour essayer de finalement de sortir encore plus d'informations qu'on ne le fait actuellement. Alain Luciani, vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire finalement radiographie, astronomie, même combat, c'est le même type d'utilisation en tout cas. Alors votre reportage était très, très intéressant parce que d'abord il nous reprojette dans le passé. La première description de l'intelligence artificielle c'est 55, où à l'époque on voulait identifier ou essayer de remplacer le langage par les machines. Donc ce reportage montre d'abord que c'est ancien, c'est pas nouveau ces thèmes d'intelligence artificielle. Ensuite il aborde deux aspects de la radiologie qui est notre spécialité, au professeur Lassaut et à moi-même. D'abord il faut créer une belle image. Et ensuite, il faut analyser l'image. Et la création de l'image est aujourd'hui ce qui bénéficie d'ores et déjà des techniques d'intelligence artificielle. Et finalement, le premier pas qui a été accompli dans la mise en œuvre des outils, c'est d'aider à construire une image qui soit la plus apte possible à nous permettre un diagnostic. Et ça, c'est déjà concrètement dans tous nos appareils, sur tous nos sites, où on a intégré des outils d'intelligence artificielle dans la création de l'image. Mmh. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la création, il y a ensuite la lecture, ce sont deux étapes différentes. On peut tout de suite d'ores et déjà couper court à cette idée que un jour ces machines-là travailleront toutes seules et qu'il n'y aura plus besoin de l'assistance humaine pour transmettre un diagnostic ou pour effectuer un choix thérapeutique. Ça, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que la médecine est une science qui a besoin beaucoup d'humanisme. On en reparlera et c'est évident qu'on ne peut pas être remplacé. Mais on doit être aidé. On doit être aidé par des outils qui permettent d'améliorer le diagnostic et qui permettent de voir, notamment dans les images, au-delà du diagnostic, peut-être des éléments pronostiques sur des maladies ou voir des choses que l'œil ne peut pas voir au travers d'un traitement qu'on dit algorithmique. Finalement, c'est utiliser des outils mathématiques pour transformer une image qu'on a l'habitude de voir chez son médecin du noir et blanc, on va le transformer en des chiffres, des données chiffrées, et ces données chiffrées vont donner un pronostic, voire un diagnostic, charge au médecin ensuite radiologue de l'expliciter au patient. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Nathalie Lassaut? Aujourd'hui, l'expertise humaine reste absolument indispensable et elle le restera vraisemblablement toujours. Ah, je pense qu'elle le restera au moins pendant les 10 ou 20 années qui vont arriver et les patients aussi, je pense, demandent également à avoir cette relation avec les médecins. Et quand vous interrogez les patients, ils sont pas prêts encore à avoir un diagnostic sans un médecin en face qui leur explique. Évidemment. L'explicabilité en intelligence artificielle est majeure. Un mot aussi sur la disponibilité de ce type d'assistance au diagnostic. Aujourd'hui, on entendait tout à l'heure dans l'archive que bien c'était dans un centre et dans un pôle d'excellence qu'il est toujours aujourd'hui, c'est-à-dire à l'Institut Gustave Roussy, mais ces outils-là se sont généralisés aujourd'hui, Nathalie Lassaut, on en trouve assez facilement, ou est-ce que c'est encore réservé à quelques pôles très spécialisés? Alors, effectivement, ceux qui ont été vraiment précurseurs, ce sont les outils pour la détection des calcifications en mammographie, ce qu'on appelle les CAD, qui existent depuis 20 ans et qui ont vraiment été les outils précurseurs. Donc ça, on peut dire que c'est implanté dans des grands centres de diagnostic, de mammographie, de cancer du sein. Quand vous partez après sur de l'imagerie plus avancée, ce qui est en train d'être développé par exemple par les grands industriels comme Siemens ou Canon sur de l'imagerie embarquée pour détecter des nodules pulmonaires par exemple, qui est un enjeu de santé publique, détection du cancer du poumon. Pour l'instant, ce sont des machines qui sont arrivées sur le marché il y a 1 an, 2 ans maximum. Donc c'est des machines assez coûteuses encore, dans des centres qui font un peu de recherche. Voilà. Donc c'est le démarrage, mais l'accélération est en train de se faire. Vous confirmez, Alain Luciani? Je confirme parfaitement. Il faut quand même regarder que dans aujourd'hui, les logiciels qui sont, on va dire, qualifiés, certifiés, alors si on prend l'exemple nord-américain approuvé par la FDA, ils sont encore peu nombreux. Mmh. Ils sont encore peu nombreux parce que, et le professeur Lassaut l'a très bien souligné, souvent ils répondent à une question binaire. Il y a ou il n'y a pas une anomalie. On prenait l'exemple des nodules pulmonaires. Il y a ou il n'y a pas un nodule. Souvent, les questions médicales sont plus complexes que simplement une question binaire. ce qui limite l'intégration de ces logiciels dans toutes les pratiques. Mais pour autant, effectivement, tous les sites académiques en France, la plupart des sites maintenant libéraux aussi, se mettent à utiliser ces logiciels. Encore une fois, entre la création de l'image, l'analyse de l'image, tous ces logiciels, petit à petit, s'implémentent. Alors, je vais le reformuler différemment parce que c'est souvent assez important pour nos auditrices et nos auditeurs quand on parle de technologie de pointe, quand on parle effectivement de progrès, en l'occurrence dans le diagnostic, et on l'entendra dans l'aide au traitement. Souvent, et légitimement, on se demande est-ce que moi, je peux y avoir accès ? Est-ce qu'à un moment donné, si j'ai une crainte ou si mon médecin trouve quelque chose d'un peu inquiétant, je peux avoir accès à ce type d'outil-là ou c'est encore pour le moment réservé à la recherche ou dans des cas très particuliers ? Alors, c'est une question intéressante que vous posez, on pourrait presque la retourner, c'est-à-dire est-ce que les patients aujourd'hui la demandent ? Pas à ma connaissance encore. En revanche, ils sont informés. C'est exactement ça. C'est-à-dire, finalement, c'est notre devoir, nous, d'expliciter que nous avons utilisé des logiciels. Petit à petit, et votre émission y participe, il y aura un partage des connaissances de ce qui existe. Et ensuite, peut-être qu'effectivement, on sera dans l'interaction patient-radiologue pour dire, voilà, j'utilise ce logiciel et je vous dis que le diagnostic que je fais, car c'est moi qui en assume la responsabilité, a été appuyé sur un logiciel d'intelligence artificielle qui est celui-ci et dont je peux, comme l'a dit le professeur Lasso, en expliquer la genèse et l'utilisation. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. C'est à 16h15, nous parlons donc de l'assistance au diagnostic, notamment, mais vous allez voir certainement aussi à la prise en charge des cancers, principalement via des algorithmes et l'intelligence artificielle. Nous en parlons avec Nathalie Lasso et Alain Luciani. Peut-être qu'on peut aussi réexpliquer exactement, parce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est une expression aujourd'hui qui est passée dans le langage courant, mais de quoi s'agit-il exactement ? De quelle machine parle-t-on exactement, Alain Luciani ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un domaine des sciences de l'informatique qui vise à concevoir des algorithmes, des programmes en fait, visant à reproduire des tâches qui sont normalement faites par l'être humain. Encore une fois, j'ai dit, les premières applications, c'était le langage. Aujourd'hui, clairement, c'est de dire, est-ce qu'un logiciel peut analyser une image ? C'est le domaine que nous évaluons aujourd'hui. Alors, ces algorithmes, ensuite, comment est-ce qu'on va les créer ? On va les créer dans une sous-spécialité, on va dire, de cette intelligence artificielle qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage par la machine, où on va nourrir le logiciel avec des données qu'on a qualifiées avec une sortie, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit obtenir, et on va apprendre à l'ordinateur ses erreurs par des processus mathématiques. Et le logiciel, petit à petit, va s'améliorer, en fait, en essayant de minimiser l'erreur qu'il fait par rapport à ce que l'homme aura validé. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle couramment de l'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire qu'on va donner à la machine un certain nombre d'exemples qui sont des exemples tests, des exemples écoles, et qu'à force de quantité de données ingérées, la machine va finir par pouvoir avoir une base de données suffisamment large pour pouvoir comparer les nouvelles données avec l'ensemble des données qui ont été d'ores et déjà validées par des êtres humains. C'est bien cela ? C'est exactement cela. Et du coup, vous soulevez un point très important. Nous avons besoin de bases de données annotées correctement. Et c'est actuellement un point vraiment de blocage. Et il faut mettre des ressources importantes. Il y a des gros projets de recherche. On a besoin de bases annotées correctement par les radiologues. Et ce point-là n'avait pas été tout à fait initialement, je pense, bien dimensionné. C'est pour ça qu'il y a eu à anticiper. C'est pour ça qu'il y a eu un peu de retard finalement à nos espérances il y a 4-5 ans, en disant que dans 5 ans on n'aurait plus besoin de radiologue. Voilà, non. ces bases annotées et qui doivent être annotées au niveau de la radiologie, mais ce qui est important c'est de les annoter par rapport aux données cliniques, aux données biologiques. C'est ça qui donne de la valeur. C'est de quelles données vous parlez quand vous parlez des données cliniques ou biologiques, par exemple, très concrètement. Par exemple, alors les données cliniques, c'est l'âge, les antécédents, est-ce que vous avez de l'hypertension, du diabète, quels sont vos symptômes, la biologie, par exemple votre bilan hépatique, vos globules blancs, vos globules rouges, la vitesse de sédimentation. Et voilà. Tout ça, ça va être des informations importantes pour assister, pour que la machine prenne en compte tout un tas de paramètres pour mieux pouvoir calibrer son interprétation de l'image. Alors oui, un exemple, actuellement il y a un grand projet européen qui a été lancé, MyPeps, par Suzette Delaloge. Un projet sur le dépistage de cancer du sein, sur un dépistage personnalisé. Et donc, actuellement en France, le dépistage personnalisé, le dépistage standard, c'est à partir de 50 ans, vous faites une mammographie tous les 2 ans. On se rend compte qu'il y a peut-être des patientes qui auraient besoin d'un dépistage un peu plus large, c'est-à-dire une mammo tous les 4 ans, et peut-être d'autres patientes qui auraient besoin à partir de 40 ans d'avoir un dépistage plus précoce en fonction des antécédents de la famille, de la biologie, et peut-être aussi d'avoir de l'IRM parce que les seins sont denses. Et lorsque vous rentrez dans ce programme, vous avez deux bras, donc des patientes suivies de façon standard, et j'engage toutes les patientes à rentrer dans ce programme, c'est 80 000 patientes. Voilà. Vous avez un le nom du programme, parce que pour nos auditrices, MyPeps, on va le mettre sur notre fil Twitter, voilà. @laméthodefc, si vous êtes intéressé, et si on peut aujourd'hui postuler à ce programme, vous pourrez le faire. Je suis rentrée dans le programme, en tant que patient, lien, bien sûr. C'est intéressant. Mmh. Et donc, et l'autre bras, eh bien, en fonction de vos antécédents familiaux, de vos antécédents personnels, si vous êtes stressé, si vous avez tout plein de... finalement de paramètres que l'on imagine avoir un impact sur le cancer, mais qui ne sont pas prouvés, sont rentrés dans ce programme. Mmh. Et à ce moment-là, vous avez un dépistage personnalisé. Voilà, mais là, ça permet de calibrer le dépistage. On n'est pas exactement dans l'aide au diagnostic, on est dans quelque chose de plus large, et on est quelque chose qui relève d'ores et déjà d'une forme de prise en charge des patients. Oui, pour mieux dépister. Pour mieux dépister. En amont, évidemment. C'est vraiment, et là-dessus, les pays nordiques sont beaucoup plus en avance que nous, et là, je trouve que c'est, pour une fois, un programme intéressant en France, où on est souvent... un peu plus en aval sur du diagnostic ou de l'évaluation de traitement, et voilà. Alors, pour parler du diagnostic plus précisément, on entend depuis le début lecture d'images, mais aujourd'hui, ces algorithmes-là, ces algorithmes d'apprentissage par renforcement, ils ne servent qu'à la lecture d'images, ils vous servent aussi à l'analyse des biopsies, ils vous servent aussi à l'analyse sanguine. Est-ce qu'ils servent à plusieurs endroits, ou est-ce que c'est vraiment strictement de l'aide à la lecture d'IRM, de scanner, Non, ils servent à tous les domaines. Vous avez raison, c'est sans limite. Vous avez l'échographie, L'échographie, bien sûr. Si on sort juste un instant du domaine de la radiologie, aujourd'hui, ces outils sont développés par nos collègues anatomopathologistes, c'est-à-dire les médecins qui lisent les biopsies, justement, qui sont faites, les prélèvements microscopiques, parce que là aussi, il y a de la complexité. Il y a de la complexité à trouver des petites atypies. Finalement, c'est de la lecture d'images, et trouver des atypies pour faire un diagnostic le plus précis possible du cancer. Et puis, nos collègues gastro-entérologues, quand ils font des colonoscopies, des gastroscopies, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent des polypes. Eh bien, maintenant, il y a des logiciels qui ont montré que on atteignait des performances qui pouvaient rivaliser avec les performances de certains médecins gastro-entérologues pour détecter un polype ou pour analyser son caractère de suspicion de cancer. Tous les domaines dans lesquels l'ordinateur a sa place vont être concernés par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, y compris par exemple en sortie d'analyse sanguine, un traitement informatique qui permet de voir ou de repérer des atypies qui ne se verraient pas immédiatement ou que le médecin pourrait considérer comme non relevante parce que trop faible ou trop proche de la marge d'erreur ou quelque chose comme ça. Oui, et aussi en croisant des données justement avec des choses très complexes. C'est-à-dire que, c'est ce que Nathalie Lasso disait, le croisement entre une information biologique prise de manière isolée versus la combinaison d'une information biologique avec une anomalie radiologique très particulière, avec une anomalie clinique, avec un historique, avec une génomique, donc une analyse génique particulière, ça transforme complètement les prises en charge. Or ça, cette intégration, le fait de le faire de manière systématisée, les logiciels peuvent nous aider d'ores et déjà à le faire. Alors, si on revient aux études et aux nombreuses études, parce que c'est vrai, il faut le dire, qu'il y a vraiment un certain nombre d'études qui sont sorties ces 5-10 dernières années autour de cette assistance diagnostique de différents types d'intelligence artificielle, on se rend compte que quel que soit le type de cancer qui est concerné, ces études aboutissent toutes plus ou moins à la même conclusion, c'est-à-dire que on a une intelligence artificielle qui dépasse en général la capacité de diagnostic des êtres humains, avec des chiffres qui frôlent les 100%, c'est-à-dire qu'on est sur du 97-95% de sensibilité et de spécificité, c'est-à-dire qu'on repère le cancer là où peut-être qu'on ne l'aurait pas vu, et en plus on est spécifique, c'est-à-dire qu'on se trompe pas de qualité, on fait pas de faux négatifs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui la preuve est faite qu'il faut généraliser ces outils pour toute forme de diagnostic, pour tous les cancers, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Alors, Luciani, je voudrais pas doucher complètement tous les espoirs qui sont mis. C'est vrai, tout ce que vous avez dit est parfaitement vrai. Les études qui sont sorties dans le domaine de la radiologie et de l'intelligence artificielle, sur les 10 dernières années, c'est à peu près 31 000 études. Il y a une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse globale des données qui ont été conduites. Il y a 31 000 études qui ont été conduites sur de la radiologie et de l'intelligence artificielle. Sur ces 31 000 études, seulement 25, j'ai bien dit 25 seulement sur les 31 000, ont utilisé une population de validation. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme un peu complexe? Ça veut dire que les études ont été conduites avec une population d'apprentissage, et les valeurs que vous avez données sont obtenues avec cette même population. Quand on rentre un peu plus dans le détail sur les études qui ont été conduites en intelligence artificielle sur le dépistage du cancer du sein, la plupart ont utilisé les mêmes 4 bases de données publiques disponibles. Mmh. Or, les patients sont complexes. Nos patients ne sont pas les mêmes que les patients d'origine asiatique, d'origine d'Afrique, d'origine nord-américaine, parce que souvent des populations nord-américaines ou britanniques. Absolument, parce que nos génomes sont différents. Mmh. Et donc nos histoires cliniques sont différentes, les présentations des maladies sont différentes. Et ce dont on manque, c'est de validation, on appelle ça en conditions réelles de soins, de ces outils. Ils sont prometteurs. Mais il faut maintenant qu'on valide en conditions réelles qu'effectivement, ils atteignent ces niveaux de performance, c'est-à-dire avec une exactitude du diagnostic qui est de l'ordre de 90%, comme vous dites, un mélange de sensibilité et de spécificité. En général, même au-dessus. Hein. Enfin, absolument. Souvent à 95, voire 97. Ce qui est très bon, mais qui n'enlève pas le fait que la combinaison d'un homme et de l'intelligence artificielle est sans doute ce qui va faire encore le mieux par rapport à l'outil d'intelligence artificielle. Justement, alors du coup, la question que je me posais face à toutes ces études relativement unanimes, Nathalie Lasso, c'est celle de la faille ou de la non-fiabilité de l'être humain. Les médecins, les radiologues ratent tant que ça. Bah, alors tant que ça, je ne veux pas affoler tout le monde, mais en fait, non, mais par rapport à l'intelligence artificielle, quelle est la marge finalement que l'on gagne en termes de précision diagnostique? Moi, je pense qu'en termes de précision diagnostique, effectivement, il faut se rendre compte, par exemple, quand vous faites une vagation de scanner, vous avez par scanner 2000 images. Les radiologues interprètent 30 scanners par vagation, ça fait 40 000 images à voir en 3 heures. Vous imaginez que l'œil, tout d'un coup, peut, de temps en temps. Voilà. Donc moi, je trouve que déjà, c'est un garde-fou. Même si ça ne fera pas mieux que l'humain ou... vous pensez peut-être aussi bien, on peut se dire que c'est déjà un garde-fou. Et en particulier, par exemple, pour des hôpitaux, on sait que maintenant, il y a quand même des déserts médicaux. Vous pouvez faire des relectures à distance. C'est une façon d'être sécurisé ou pour des diagnostics difficiles que l'on ne peut pas faire. Voilà, c'est vraiment, Alain le disait, une aide de diagnostic qui est vraiment importante et une façon de renforcer un diagnostic sûr. Actuellement, par exemple, le dépistage de cancer du sein, vous avez une double relecture. On pourrait se dire, la double relecture, finalement, c'est l'IA derrière et pas un deuxième radiologue. Je ne sais pas ce que... C'est vrai, les erreurs, heureusement, restent d'abord faibles et surtout avec peu de conséquences. Pourquoi ? Parce que quand même, dans la mise en œuvre du système de soins en France, et notamment on parle de cancer aujourd'hui, on travaille tous avec des organisations qui font en sorte que tous les dossiers sont discutés dans des réunions de concertation pluridisciplinaires, avec plusieurs avis. Et aujourd'hui, il n'est pas vrai de dire qu'un scanner va être lu seulement par une seule personne dans le cadre de la prise en charge d'un cancer. Donc, dans le cadre de la prise en charge d'un cancer, c'est une première lecture qui enclenche les choses, mais ensuite il y a souvent d'autres avis qui sont donnés, peut-être d'autres examens qui peuvent comme ça arriver à converger vers un diagnostic optimisé. Ça c'est dans le cadre de la prise en charge, mais dans le cadre Absolument. Du diagnostic. Alors dans le diagnostic initial, c'est évident que de disposer d'outils qui améliorent les images pour que déjà la lecture soit plus simple. Deuxièmement, qui puissent alerter. Nathalie Lasso mentionnait ces fameux cas, donc computer aided detection, la détection assistée par ordinateur. C'est sûr que ça va nous aider dans notre flux d'images à essayer d'identifier les quelques anomalies qui existent. Mais ensuite, une fois qu'on a détecté, reste à les qualifier, ces anomalies. Et là, c'est vrai que le rôle du radiologue est majeur dans la qualification d'une anomalie. Est-elle bénigne? Est-elle maligne? Ou y a-t-il une probabilité de malignité dans les images? Si on prend un cas concret, le cancer du sein, parce qu'on parle du cancer du sein, on pourrait parler du cancer de la prostate ou du cancer du foie, qui sont des cancers dans lesquels l'intelligence artificielle est utilisée assez régulièrement. Concrètement, comment ça marche? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'intelligence artificielle dans le cancer du sein? Qui veut répondre sur le cancer du sein? Plutôt Alain Luciani? Je voulais répondre sur le cancer du foie, si vous voulez bien. Sur le cancer du foie, prenons le cancer du foie, si vous voulez. Voilà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle identifie qui peut potentiellement être raté par l'œil humain? Je peux vous en parler parce que c'est un travail qu'on a conduit à l'hôpital Henri Mondor de la PHP avec General Electric et qui aboutit d'ailleurs à une solution qui est en train d'être déposée pour la FDA, qui s'appelle LiverSuite. C'est d'arriver à qualifier de façon très précise des paramètres qu'on voit sur les images qui servent à dire qu'un nodule qu'on voit dans le foie, c'est-à-dire une boule à l'intérieur du foie, que cette boule, effectivement, elle a des caractéristiques qui sont celles du cancer. Globalement, un peu plus d'artères, un peu moins de veines que le foie normal, qu'on va voir sur les acquisitions de scanners. Mais ce qui est très intéressant, c'est où se place ce logiciel et comment est-ce qu'on l'a positionné. Il se place dans une prise en charge. Mmh. C'est-à-dire que le scanner est réalisé dans le cadre d'une stratégie de dépistage des malades qui ont une hépatopathie chronique, hépatite virale, intoxication alcoolique. Et déjà, des malades à risque. Absolument, malades à risque. Et ça, il faut les avoir identifiés par un médecin, un collègue hépatologue qui met en route un programme de dépistage. Ensuite, il faut faire un examen de bonne qualité. Et une fois qu'on a cet examen, alors la machine vient aider à dire « oui, ce nodule a une probabilité d'être malin ». Statistique. Il sort un score statistique et il demande la confirmation à l'être humain pour dire « est-ce que tu es d'accord avec le diagnostic que moi, de façon probabiliste, j'ai fait ». Et je crois que là, ça illustre parfaitement où se place aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ouais. C'est intéressant parce que si on se rabat sur le cancer du sein, on imagine, comme ça, en tout cas c'était mon cas, avant de me plonger dans cette émission, que finalement, ce que voit l'intelligence artificielle, certainement les choses trop petites, parce que c'est facile de le penser comme ça, de se dire bon, c'est un petit truc qu'on voit à l'image, qu'on voit pas passer parce que c'est une petite ombre, ou alors que ça, l'imagerie ou la prise de l'image a été pas très bien faite, donc c'est un peu dissimulé, etc. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment, comme vous venez de le dire, Alain Luciani, et notamment, j'ai vu, Nathalie Lasso, pour le cancer du sein, que il y a une étude de 2019, je crois, qui permet et qui montre que un algorithme permet, ah oui, c'est une étude faite par le MIT qui permet de prédire un cancer du sein 5 ans avant qu'il ne se développe. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne se contente pas d'identifier des cancers en cours, mais est capable de voir ce qui serait des nodules ou des pré-cancers, ou comment ça se passerait, contez-nous un peu. C'est assez fascinant, ça. Alors, c'est probablement ça, on part un peu dans le futur, mais on va se dire qu'on va y arriver assez vite, et en particulier aussi avec les prélèvements sanguins. On va en parler un peu, comment on couple finalement ces images. On peut dire qu'effectivement, des femmes qui ont des seins plus denses, plus hétérogènes, sont plus à risque. Et donc, probablement, effectivement, nous, on a l'impression de tout voir avec nos yeux, mais... Et l'intérêt aussi d'avoir des séquences d'images, c'est-à-dire une mammographie toutes les 2 ans, fait que peut-être la machine avec deux mammographies à 2 ans d'écart est capable de voir des détails, enfin des gros détails, des notions que nous, finalement, nous ne voyons pas. Voilà, on est sur les micro-calcifications, mais il y a probablement des informations dans l'image que nous n'arrivons pas à capter. Oui, allez-y, je vous en prie. Et en ce qui concerne également moi, je pense que c'est important, et là, il va falloir croiser, et on a besoin d'intelligence artificielle. Ça concerne tout ce qui est études dans le sang circulant, dans une prise de sang, de l'ADN tumorale qui circulerait, c'est-à-dire des micro-lésions qui relarguent dans le sang de l'ADN tumoral. Et actuellement, il y a des programmes qui sont en train de partir là-dessus et de détecter cet ADN pour voir s'il y a des mutations et des déplétions. Et il y a des études qui commencent à montrer que même avant des diagnostics par imagerie, on est capable de commencer à voir. Donc ce serait intéressant dans le cancer de la prostate, dans les grandes cohortes où on sait que voilà, les cancers où le sein, le poumon, la prostate, voilà. Et nous, on est en train de lancer des programmes d'imagerie et de biopsie liquide croisés. Et je pense que, et là, on a besoin de l'IA parce que c'est des masses de données gigantesques à analyser. Hein. Ouais. Évidemment. Et puis, par ailleurs, quand on demande des examens sanguins, on ne cherche pas forcément ce type d'information, alors qu'une intelligence artificielle peut repérer des choses que l'analyse en cours ou que l'analyse sanguine ne va pas chercher à détecter. Mais, Alain Luciani. Juste en complément de ce que disait Nathalie Lasso, il faut bien dire qu'aujourd'hui, c'est dans le cadre d'études que c'est conduit, avec, et je vais employer un terme un peu compliqué, mais des critères d'inclusion. C'est-à-dire de sélectionner à quel patient on s'adresse, qui sont extrêmement stringents. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas en population générale encore, c'est chez des patients chez lesquels nos collègues cliniciens ont identifié qu'il y avait un risque théorique sans doute supérieur développer un cancer. Donc, encore une fois, des critères très précis, et c'est chez ces patients ou ces patientes-là qu'on va obtenir le meilleur bénéfice de l'intelligence artificielle. On va entendre dans quelques instants notre doctorante de la semaine, Rebecca Vettil, nous parler de ses travaux autour des maladies du pancréas en radiologie, et puis vous verrez que l'intelligence artificielle n'aide pas que au diagnostic. On a déjà entendu un peu des notions de prise en charge, mais également dans l'assistance au choix d'une thérapie, d'un traitement. Ce sera dans quelques instants. Take a walk by the river. Gorgonzola de Papouze, comme chaque jour en soutien à la scène musicale indépendante française. Nous parlons d'intelligence artificielle et de cancer, d'aide au diagnostic et d'aide à la prise en charge en compagnie de Nathalie Lasso, qui est professeure de radiologie à l'université Paris-Saclay, co-directrice du laboratoire d'imagerie. Et c'est là que j'ai perdu le nom du laboratoire d'imagerie, Nathalie Lasso. Biomaps. Biomaps, voilà, c'est ça. Biomaps à l'Institut Gustave Roussy et Alain Luciani, qui est professeur de radiologie aussi. CHU Henri Mondor à l'université Paris-Est Créteil. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et nous sommes en ligne avec Rebecca Vettil. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes doctorante en première année en thèse CIFRE préparée à l'Institut Polytechnique de Paris. Vous travaillez sur les méthodes d'intelligence artificielle pour l'aide au diagnostic des maladies du pancréas en radiologie. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Alors bonjour à tous, merci Nicolas pour cette invitation. Alors, aujourd'hui, je suis très contente de vous parler d'intelligence artificielle et de pancréas. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le pancréas est un organe vital qui est situé dans l'abdomen, un peu coincé entre la rate, l'intestin et l'estomac. Alors, je vais vous parler plus spécifiquement du cancer du pancréas, qui est un cancer très agressif, puisque 91% des patients atteints décèdent dans les 5 ans suivant le diagnostic. Alors, pourquoi un tel chiffre? Eh bien, parce que ce cancer est silencieux. Les patients vont très longtemps rester asymptomatiques et dès lors que les premiers symptômes vont apparaître, eh bien la tumeur se sera déjà propagée à d'autres organes, à d'autres vaisseaux, et le patient ne sera plus opérable. Alors, on pourrait améliorer ce pronostic en détectant le cancer plus tôt. Mais en fait, c'est pas facile pour deux raisons. La première, c'est que les tumeurs sont subtiles et donc elles sont difficiles à détecter sur les images. La deuxième, en fait, c'est que ce cancer est plutôt rare. Et donc finalement, les radiologues sont peu habitués à en voir. Et il arrive qu'ils passent à côté de ces petites tumeurs cancéreuses. Bon, évidemment, il existe des experts en pancréatologie, mais ces experts sont peu nombreux et ils ne peuvent pas analyser tous les examens. C'est précisément là que rentre en jeu l'intelligence artificielle. Et si on arrivait à produire des algorithmes qui imitent l'œil de ces experts en pancréatologie? C'est en fait tout le sujet de ma thèse, qui porte sur la recherche et le développement de méthodes d'intelligence artificielle pour l'aide à la détection du cancer du pancréas. Alors, pour faire ça, j'utilise principalement deux outils du domaine de l'intelligence artificielle. Mon premier type d'outil, ça va être les algorithmes d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond, qu'on appelle aussi machine learning ou deep learning. Pour faire simple, imaginez que mon algorithme est une espèce de boîte qui prendrait en entrée une image et en sortie un diagnostic. Cette boîte contient en fait des millions de paramètres qu'il faut qu'on ajuste pour que le diagnostic prédit corresponde au diagnostic des médecins. Alors, vous vous demandez sûrement comment est-ce qu'on fait pour ajuster tous ces paramètres? Eh bien, c'est assez simple. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Tant qu'il tombe, il va modifier ses gestes. Eh bien, pour la boîte, c'est la même chose. Tant que ses prédictions de diagnostic ne correspondent pas au diagnostic des radiologues, elle va ajuster ses paramètres. Donc, à la fin, on peut en fait considérer raisonnablement que la boîte contient l'expertise des radiologues, puisqu'elle a appris en fait à les imiter. Bon, dit comme ça, c'est vrai que cette boîte a des allures un peu mystérieuses et on comprendrait que les radiologues aient un peu du mal à faire confiance à des résultats si peu explicables. C'est justement là qu'intervient mon deuxième outil, qui sont des méthodes de représentation des connaissances. Ces méthodes ont pour objectif d'intégrer le savoir médical dans les algorithmes. Par exemple, on sait que la dilatation du canal pancréatique est fortement associée à la présence d'une tumeur cancéreuse. Eh bien, je vais essayer d'intégrer cette connaissance dans ma boîte pour que cette information soit extraite et utilisée pour guider le diagnostic. Alors, évidemment, la boîte peut utiliser d'autres informations, puisque c'est là justement toute la force des algorithmes d'apprentissage, c'est qu'ils peuvent extraire des informations que l'œil humain ne voit pas sur les images. Mais ces méthodes de représentation des connaissances permettent d'assurer qu'un minimum de savoir est pris en compte par les algorithmes. Et ça, c'est primordial pour que les médecins puissent croire et enfin utiliser la boîte que je vais leur proposer. Donc, voilà l'objectif de ma recherche, fournir un outil qui puisse assister les radiologues pour la détection du cancer du pancréas. Donc, je réalise cette thèse chez Télécom Paris en partenariat avec Gerbet, qui est une entreprise française leader en imagerie médicale et qui aujourd'hui se réinvente dans l'intelligence artificielle au service de la radiologie. Car j'insiste, même si l'intelligence artificielle est un outil puissant d'aide au diagnostic, ce diagnostic revient toujours au médecin. Merci beaucoup. Merci à vous, Rebecca Vettil, pour cette présentation de vos travaux. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre, Alain Luciani. Non, mais c'est passionnant d'abord d'entendre des jeunes qui s'impliquent dans la recherche et sur ces domaines-là. Et c'est fascinant de les voir aussi investis dans les domaines de la radiologie. Un mot sur ce cancer du pancréas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas, et les dernières recommandations de l'INCa l'ont confirmé, il n'y a pas d'indication des programmes de dépistage massif car on ne sait pas encore à quelle population ça s'appliquerait. Donc c'est vrai qu'une des grandes difficultés, c'est de savoir à qui s'appliquerait ce logiciel. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que un logiciel d'aide pour que lorsqu'on a une indication de faire un scanner, on peut détecter mieux ces petits cancers qui effectivement sont difficiles à voir, ce serait naturellement très précieux. Mais ça montre une complexité. Combien de logiciels on va utiliser? Quand on fait un scanner, on part pas forcément pour ce diagnostic. Alors il faudra celui sur le cancer du pancréas, celui sur le foie, celui sur le sein, celui sur le rein. On voit bien qu'il y a une complexité et que derrière les validations d'études qu'on devra avoir sur les logiciels individuel, il va y avoir ensuite la nécessité d'intégrateurs de ces logiciels dans des vraies solutions informatiques qui font que lorsqu'on fait un scanner d'un patient, on a une réponse à un maximum de questions. Et ça, c'est un vrai enjeu. L'homme sait le faire, la machine a encore des difficultés. Pour une fois que c'est dans ce sens-là, Nathalie Lasso. Oui, moi je voulais rebondir et d'abord souligner l'effort des industriels français et en particulier de Gerbet, qui finance des thèses CIFRE, voilà, pour les jeunes. Et c'est vrai que Gerbet, qui produit des agents de contraste, en fait, est en train de se spécialiser dans l'intelligence artificielle. Nous, on est en train de travailler sur un programme avec eux. Et Alain vient de souligner la complexité où effectivement, actuellement, les industriels se focalisent sur un organe. Mais nous, ce dont on a besoin, c'est par exemple un outil qui détecte automatiquement sur le scanner thoraco-abdominopelvien toutes les métastases. Et donc, on va commencer ce programme avec Gerbet. Ils savent déjà le faire dans le foie, détecter automatiquement les métastases, ce qui est assez nouveau. Et c'est vraiment une belle industrie française, il faut le souligner, et un virage pris de façon très intelligente. C'est intéressant, surtout quand on voit qui est en face, Google, IBM. Mais on reparlera tout à l'heure de la question des entreprises qui se lancent dans cette industrie de l'intelligence artificielle et de l'accompagnement au diagnostic. Mais on a parlé jusqu'à présent d'accompagnement au diagnostic. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'IA peut également être un atout précieux dans l'assistance au traitement et à la prise en charge thérapeutique. Comment et pourquoi, c'est ce que vous êtes allé chercher à comprendre en vous rendant à l'hôpital Tenon. Céline Lozène, bonjour. Bonjour Nicolas, oui c'est ça. Une fois le diagnostic posé, l'enjeu est d'arriver à identifier la meilleure thérapie possible pour les patientes en fonction des spécificités de leur cancer. J'ai retrouvé les docteurs Brigitte Seroussi et Jacques Bourg qui travaillent dans le cadre du projet européen Désiré. Désiré, c'est un outil d'aide à la décision basé sur une IA de reconnaissance visuelle et entraîné sur un très grand nombre de clichés de tumeurs du sein. Sous une apparence très simple et selon les critères d'entrée relatifs à la patiente, l'interface donne en quelques minutes seulement, selon un scénario basé sur l'expérience, le traitement le plus personnalisé. Alors, nous, en fait, on est spécialisé dans l'aide à la décision pour la prise en charge thérapeutique des patients atteints de cancer et spécifiquement cancer du sein. On a développé un certain nombre d'outils sur du quotidien, puisque en gros l'outil auquel je fais référence s'appelle Oncodoc. C'est un outil d'aide à la décision pour la prise en charge des patientes atteintes de cancer qui a été utilisé en routine à chaque réunion de concertation pluridisciplinaire au niveau de l'hôpital Tenon. Donc toutes les semaines, on utilisait le système pour avoir l'aide à la décision. Quel est son objectif ? Puisque le cancer est diagnostiqué, c'est de surveiller son évolution et pour pouvoir adapter une thérapie en particulier. L'objectif, c'est une fois que le cancer est effectivement posé, c'est d'avoir la bonne prise en charge. Parce que, en fait, avant le premier plan cancer, En gros, quand vous alliez voir, vous aviez un cancer du sein diagnostiqué, vous alliez voir un oncologue, vous aviez une chimiothérapie, vous alliez voir un radiothérapeute, vous aviez une radiothérapie, et vous alliez voir un chirurgien, vous aviez une chirurgie. Il n'y avait pas de cohérence. Vous pouviez aller voir autant de praticiens et avoir autant de propositions de prise en charge. Donc là, ici, si on prend le cas de Désiré, on a simulé l'interface d'un dossier patient informatisé. Alors là, juste, c'est quoi les caractéristiques de cette patiente là, de son... Alors là, de son c'est une patiente de 34 ans qui arrive pour un cancer du sein droit. Elle a pas d'histoire familiale particulière. Et on va regarder sa mammographie. On va regarder un certain nombre d'informations issues de la biopsie, parce que... Ça, c'est important d'avoir les données, les images. Alors, les images, c'est la première chose. Le premier élément du parcours d'une patiente pour laquelle on a une suspicion de cancer du sein, on commence par l'imagerie, la mammographie. Ensuite, si on observe quelque chose de suspect, on va faire une biopsie. La biopsie va être explorée en anatomocytopathologie. Et c'est là que le diagnostic va être posé. Donc là, on a vu que cette patiente, elle a eu tout ça. Donc la biopsie, on est sur une timeline ici. La biopsie avec l'échographie et la mammographie. Et puis, en fait, on arrive à un certain nombre d'informations qui vont être résumées ici. Donc c'est un carcinome invasif de grade 2 avec des récepteurs aux œstrogènes qui sont positifs à 99% et à la progestérone positif aussi. Par contre, HER2 est négatif. KI67 élevé, 47%. Tout ça, c'est des critères immunohistopathologique issue de la biopsie. Donc là maintenant, on va dire qu'on veut avoir, on est en train de discuter le cas dans la réunion de concertation pluridisciplinaire, on veut savoir quelles sont les prises en charge recommandées pour cette patiente. Donc là, on va aller vers le bouton décision, et là, en fait, le système va nous donner les recommandations. Là, il y a deux types de recommandations pour cette patiente qui avait un cancer du sein caractérisé par une tumeur de 50 mm, soit l'oncologie, soit la chirurgie. Les deux sont possibles au même niveau de preuve. Alors, on a la mastectomie avec le ganglion sentinelle associée à une reconstruction mammaire immédiate ou retardée, soit une simple tumorectomie, soit de l'oncoplastie associée à la tumorectomie. Mais dans les deux cas, si vous voulez, c'est soit un traitement néoadjuvant, c'est-à-dire... La tumeur est grosse, je fais une chimiothérapie première et j'essaye de la réduire, soit la mastectomie. Évidemment, c'est la patiente in fine qui est aussi à son mot à dire. Exactement. Ce qui est intéressant dans les tables des informations qui apparaissent, c'est qu'il y a des modalités « should » or « may ». Exactement. Donc, alors, il y a de la nuance quand même. Exactement. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de force dans la recommandation qui est proposée. Il y a ce qui est recommandé, et donc là, effectivement, vous voyez, c'est des should. Il y a ce qui est possible, il y a ce qu'il est possible de ne pas faire, donc il y a du may not, et il y a du should not, c'est-à-dire il n'est pas recommandé. Voilà. Alors, il y a des niveaux encore plus élevés, c'est shall et shall not. Donc, effectivement, vous voyez que quand il y a des recommandations qui sont produites, on va avoir intérêt à aller vers le should. Mais c'est la patiente qui va choisir. Dans quelle mesure cet outil peut s'auto-alimenter avec l'expérience pour être encore plus fin et juste qui colle plus à quelque chose de positif pour la patiente? Alors, dans le projet Désiré, en fait, il y avait trois modalités d'aide à la décision. Il y avait celle qu'on vient de faire, c'est-à-dire qui reproduit la recommandation en la spécifiant aux caractéristiques d'une patiente donnée. Et puis, il y avait deux autres modes. Il y avait un mode de raisonnement par analogie à d'autres cas, c'est-à-dire qu'en gros, la patiente, elle est caractérisée. On a une base de cas et on va mettre en place une distance de similarité pour aller rapporter les cas qui ressemblent à celui de cette patiente. Et puis la troisième, c'était en fait quelque chose qui est un petit peu comme vous le disiez, c'est-à-dire qui va être basé sur un apprentissage, c'est-à-dire que quand on utilise le système avec les recommandations de bonne pratique et que on décide de ne pas les suivre. On va dire, ce que le système me propose ne convient pas à cette patiente. Et on va dire au système, je décide ça parce que. C'est-à-dire qu'on doit donner une justification. Là, de façon automatique, il y aura création d'une nouvelle règle de décision. Et cette nouvelle règle construite, elle va être pondérée par l'évolution dans le temps des patientes qui auront été prises en charge par cette règle. Si l'évolution est favorable, elle va monter avec un poids plus important à côté des autres. Et sinon, elle va baisser et elle va être même peut-être oubliée. Voilà, l'assistante au choix thérapeutique via le projet Désiré. Une réaction là aussi, c'est assez formidable. Enfin, je trouve ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Lasso? Alors, c'est effectivement un champ d'investigation qui est en train d'avancer fortement. À Gustave aussi, on le voit plus dans le cadre, pas probablement initialement au diagnostic, puisque c'est très maintenant en France, on a vraiment des règles très précises de prise en charge des patientes. Mais pendant ces RCP, à Gustave aussi, par exemple, il y a 90 dossiers de patients qui passent. Alors quand c'est pour un premier diagnostic, ça va assez vite. On sait, c'est très voilà très standardisé et tout. Ce qui est très complexe, et heureusement, nos patientes, voilà, c'est des maladies qui deviennent chroniques, mais avec des histoires de vie. Une première opération, une deuxième, une rechute, un premier traitement, une mutation. Et c'est toute cette prise en charge qui doit être intégrée. Et c'est là où vraiment l'intelligence artificielle apportera quelque chose sur l'analyse complexe de toute la maladie de la patiente, prendre tout en charge et finalement choisir le bon traitement au bon moment pour chaque patiente en fonction de son histoire de rechute, d'hétérogénéité, de mutation, etc. Alain Luciani? Non, je suis d'accord, ça montre le potentiel avec la standardisation et on voit l'expérience d'un centre expert qui peut partager comme ça une expérience parce que finalement c'est nourri de l'expérience d'un centre expert. Mmh. Et donc ça se propage. Moi ça m'interroge sur des questions que on doit se poser tous. Alors l'explicabilité du logiciel. Moi c'est très important pour l'apprentissage des plus jeunes. Si je suis un jeune interne d'oncologie, j'ai envie de comprendre comment le logiciel a proposé ce traitement parce que ça fait partie de mon apprentissage. Deuxième question que je soulève, c'est l'évolution du logiciel. Nos RCP, nos réunions de concertation pluridisciplinaires, oui, sont nourries de travaux qui arrivent, parfois disruptifs, comme on dit, c'est-à-dire qui viennent percuter des choses qui étaient préconçues. Comment va s'intégrer cette évolution et comment on sera capable de requalifier un tel logiciel dès lors que des choses nouvelles seront arrivées? Voilà, je pense que ça fait partie de questions qu'on doit régler là aussi. C'est intéressant parce que ça pose plus généralement cette question qu'on appelle, ou en tout cas ce problème de la boîte noire, c'est-à-dire de dire effectivement si une décision est proposée par un algorithme, par une intelligence artificielle et que personne n'est en mesure de comprendre le trajet qui a permis à l'algorithme de prendre cette décision, effectivement, ça pose un problème éthique qui est peut-on s'en remettre à la décision qui est produite par un ordinateur? Autant l'humain est fiable et on peut tolérer certainement une erreur humaine parce que l'humain est fiable mais n'est pas infaillible, autant peut-on tolérer une erreur produite par un programme ou par un ordinateur? C'est tout à fait juste et c'est vrai qu'il y a eu un important travail de la Société française de radiologie pour travailler à justement l'éthique des données que je classerai en trois catégories. Il y a l'éthique de la donnée. Alors ça paraît curieux de dire ça, mais ça veut dire est-ce que je suis capable de tracer d'où vient la donnée qui m'a permis de construire le logiciel. Ensuite, il y a l'éthique de l'algorithme. Est-ce que l'algorithme finalement donne une réponse qui est conforme à ce qu'on attend et là dans le au cas d'espèces, c'était tout à fait le cas, hein, puisque c'est nourri par l'expérience d'un centre expert à Thenon. Et puis le troisième, c'est l'éthique de l'usage. Et c'est probablement le plus complexe. Est-ce que l'homme ne rentre pas ensuite dans un biais d'automatisation en attribuant finalement une préférence au choix de la machine par rapport à son raisonnement humain? Et ça, c'est il me semble une vraie question éthique médicale. Et je pense que nous ne devons pas complètement aller dans ce biais d'automatisation et encore plus pour les jeunes que nous formons. Nathalie Lasso? Oui, moi je suis d'accord avec Alain et en particulier pour l'explicabilité, c'est un point sur lequel on s'est pas heurté, mais qu'il a fallu régler lorsqu'on a fait l'étude d'intelligence artificielle sur le score sévérité IA dans le Covid, où en fait il a fallu créer un score à partir de 5 variables et il fallait expliquer pourquoi ces variables étaient choisies, pourquoi le grade augmentait, pour que les réanimateurs croient en ce score et gèrent les patients. Il faut réexpliquer. Ça a été un premier exemple. Il faut réexpliquer un peu de quel logiciel vous parlez, de quel algorithme vous parlez vis-à-vis du Covid, parce que c'est clair pour vous, mais je suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde. Alors, c'est une étude qu'on a fait sur 1000 patients avec la PHP, Gustave Roussy, Hawking et l'INRIA, où en fait, on a voulu prédire quand le patient arrivait aux urgences, en fonction de 65 variables cliniques, biologiques et du scanner en 3D, est-ce qu'on était capable de prédire la sévérité du patient. Est-ce qu'il allait aller en réanimation? Est-ce qu'il fallait le garder, lui mettre de l'oxygène et ne pas le renvoyer chez lui? Voilà. Et à partir de cette analyse des 65 variables et du scanner en 3D, on a sélectionné de façon très simple 5 données. L'âge, le sexe, urée, plaquettes, saturation en oxygène, ce que vous prenez avec votre pharmacien, saturomètre, et le scanner en 3D. Après, on a créé 5 grades pour chaque critère. Et en fonction des grades, donc vous avez le grade 1, 2, vous rentrez chez vous. Grade 3, il faut être surveillé. 4 et 5, vous êtes près de la réanimation ou en réanimation. Et donc, pour que les réanimateurs utilisent, ils ont participé à l'étude, bien sûr, ils ont créé avec nous ces critères. Et maintenant, en temps réel, tous les jours, on calcule ce score. Et donc, les réanimateurs, alors, comme disait Alain, ne s'appuient pas dessus. Avec quel taux de succès? Alors, écoutez, c'est un bon taux de succès, parce que là, on ne laisse pas repartir les gens quand il y a un taux de, une saturation diminuée. Mais dans le sens inverse. Dans le sens inverse, de gens qui seraient repartis et qui auraient mérité plus attention. On a eu 5 patients qui auraient dû repartir chez eux, et tout d'un coup, on s'est rendu compte que le grade était déjà à 4-5. Ils se sentaient très bien. On dit souvent, c'est l'hypoxie heureuse. Enfin, les patients Covid ne se rendaient pas compte qu'ils se dégradaient. C'est pour ça qu'ils se dégradent très vite en 6 heures ou 12 heures. Et ça a été une façon. Mais il fallait l'expliquer. Il fallait faire des graphes. Faire des couleurs, et ça a été la première étude où on a vraiment essayé de se dire comment on explique notre score d'intelligence artificielle. Voilà. Pour conclure, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de l'émission, une question, et je repose cette question que je vous avais déjà peut-être un peu posée au début de l'émission, mais qui me semble tout de même vraiment importante pour toutes les personnes qui nous écoutent, à quand la généralisation de ce type d'instrument? Parce qu'on voit tout de même, effectivement, l'assistance, en tout cas l'aide, vraiment l'importance de l'aide qui est apportée aux professionnels de santé, aux médecins, aux radiologues, aux fameuses réunions pluridisciplinaires. À quand la possibilité d'avoir accès à ce type d'outils et d'assistance au diagnostic et à la prise en charge dans la majeure partie des centres hospitaliers français? Alors, encore une fois, pour ce qui est de l'acquisition des images, même si c'est une partie que peut-être les patients voient pas ou peu, mais qui est essentielle dans la construction de leur diagnostic et de leur prise en charge, aujourd'hui, c'est en place. Aujourd'hui, dans tous les centres, encore une fois, il y a des outils et tous les grands constructeurs ont développé ces outils, les ont mis en pratique clinique et ils sont d'ores et déjà intégrés dans les systèmes. Moi, c'est à Mondor, tous nos scanners sont équipés de ces logiciels d'intelligence artificielle qui aident à reconstruire les images, à faire en sorte que on a des images de grande qualité. Pour ce qui est du diagnostic maintenant et de l'aide au diagnostic, en général, tous les centres sont équipés en général d'au moins une solution qui répond le plus souvent à la question clinique qui leur est le plus souvent posée. À savoir, par exemple, moi qui m'intéresse au cancer du foie, nous utilisons des logiciels. Mais à ce stade, ces logiciels sont en phase d'évaluation. On n'est pas encore sur de la qualification et des logiciels qui sont commercialisés avec, on va dire, un quitus comme dispositif médical validé. Donc c'est du ongoing, comme on dit, de la recherche qui continue. Nathalie Lasso, pour conclure. Moi, je pense que la spécialité de la radiologie va encore perdurer un long moment. Les jeunes radiologues sont en train d'intégrer ce croisement entre l'intelligence artificielle et le métier de médecin. Et il faut former ces jeunes radiologues. Et un dernier point important, je pense que actuellement dans nos services en médecine, on a besoin d'autres métiers. On a besoin de data scientists, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin. Et ce croisement doit se faire. Les connexions neuronales entre nous tous doivent se faire. On y travaille beaucoup à la Société française de radiologie avec Alain Luciani. Et il faut aller dans ce sens. Travaillons collectivement pour le bien de nos patients. C'est-à-dire développer des filières de data scientists propres au secteur médical et faire rentrer plus ces professions-là à l'intérieur des hôpitaux et des centres de recherche? Ils sont dans mon hôpital, Hawking est implanté dans mon hôpital, le CVN de Centrale Supélec aussi. Il faut que les directeurs d'hôpitaux intègrent tous ces nouveaux métiers, on en a tous besoin, c'est indispensable avec le progrès. Eh bien, espérons que votre appel soit entendu. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Nathalie Lasso, merci Alain Luciani. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette question liée à l'intelligence artificielle et au diagnostic dans le numéro trimestriel de Chute, le magazine à l'écoute du numérique d'avril, mai, juin 2021, liberté, égalité, santé liée aux enjeux numériques de la santé. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Céline Lozen, Amélie de Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Hélène Trigueros à la réalisation et Michael Simon à la technique. Demain, je vous propose de retourner vous promener dans une grotte à Totavel, la grotte qui fêtera cette année les 50 ans de sa découverte, et pour cet anniversaire, un nouveau fragment d'os vieux de 450 000 ans vient d'être identifié comme appartenant à un hominidé. Le mystère Totavel s'épaissit, mais promis, on résout tout demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.